Les Coréens aux États-Unis ont mené les 15 et 17 devant la Maison-Blanche les manifestations contre la disposition du SAD en Corée du Sud. Et depuis le 15, ils se sont mis à la campagne de collecte de signatures de 100 000 personnes contre le SAD. Par ailleurs, le comité de soutien aux détenus consciencieux du Conseil du mouvement des familles pour la démocratisation aux États-Unis a lancé le 15 une déclaration pour accuser le déploiement du SAD en Corée du Sud d'actes dangereux susceptibles de dégénérer en crise de souveraineté et de guerre des peuples sud-coréens et nord-est asiatiques, américains et mondiales.